chanson. Elle travaille à la filature, à la filature de chez Chapeau. Elle mange des tartines de confiture avec un peu de cacao. Et cause qu'elle a été bien sage, elle avait eu pour son petit cœur une demi-livre de Boltecas pour manger avec son 4 heures. Une demi-livre de Boltecas pour manger avec son 4 heures. J'en ai 5 autres découplés. Encore ? Pimpon, pimpon. Un jour qu'elle était en retard, elle a demandé à l'ambulance de la Croix-Rouge française, c'est passé à les paroles. Un jour qu'elle était en retard et que la porte, elle était fremée, elle a été sur les remparts et c'est là qu'elle a déjeuné. Elle a versé son peul d'aboire sur ses tartines de résinée. Elle a langui auprès du soir toute la journée. Elle a drivé, elle a langui auprès du soir toute la journée. Elle a drivé. Et je vous fais le troisième. Il y en a 6, mais j'en fais que 3. Elle a été voir Millebourg pour demander à être augmentée. Les grosses bobines, c'est rien que ça loue. Mais 14 sous, c'est pas payé. Millebourg, il a dit, Joséphine, tu gagnes encore que 14 sous. Eh ben, t'es encore une bonne gamine. Je vais t'augmenter. T'auras 15 sous, bah t'es encore une bonne gamine. Je vais t'augmenter, t'auras 15 sous. Tu vas tourner ton micro, c'est la bande.